Wow, wow, wow, wow, dédicace à toutes nos refrains et nos sœurs, ouais. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow, regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow. Milagre bande modestie instru, explique sec moi la vie. Réaction banane qui paraît à moi anormal. Réaction des styles différents des couleurs qui fait peur au bande qui t'y a zone supérieur. S'il laisse passer bonne réaction comme ça, ce serait approuvé. Zot idée mal tournée. Il traite à nous pour bonne manque rien. Pour bonne français pas papier. Tout ça parce qu'une couleur n'est pas pareil. La différence qu'est nana entre pana et moi. C'est que mon histoire à moi. Les passes de Charlemagne. Mais cette bande d'esclaves entassés, enchaînés. Fouettés dans le bâtonnet grillé. Sous l'autorité d'un zozo. Aujourd'hui, les pièces du passé, ils commencent guéris. Mais est-ce que j'en nous vois voir le passé se répéter quand on nous voit ce qui se passe dans la télé? Oui, quand on nous voit ce qui se passe dans la télé. Quand on nous voit ce qui se passe dans la télé. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow, oui. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow, oui. Je ne suis pas de ceux qui niquent tout, mais cependant je vous dis tout. Tout ce que je pense surtout. Tout ce qui se passe ici, entassé dans des soucis. Les gens font comme si rien ne se passe. Dans la masse des bétons, ça sent l'exploitation des peuples noirs. La discrimination raciale empêche le peuple au pouvoir. Regarde-toi dans un miroir, car tu ne dois pas savoir ce qu'est trop différent d'être constamment rejeté, mis sur le bas-côté. Et c'est parce que t'es pas de la même couleur, gars. Que de malheur, elle m'emmène à la réflexion. Attention, ça sent la merde, la révolution. Et comme dit Debala, sédition, c'est la solution. N'accepte pas qu'on nous marche sur les doigts. Fais gaffe à toi, je te préviens dès maintenant. Ça risque d'être sanglant, sangle de l'âme. Quand ton tour tu verseras sur le macadam. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow, oui. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow, oui. Est-ce que l'an 2000 sera cette bande facho? Si c'est le cas, m'y forme un commando. Et m'y fait mal à la peau pour éviter un nouveau fiasco. Écoute mon esprit, mes paroles, ce qui me touche, ce qui me folle. Dans la vie au quotidien, chacun y joue son rôle. En ce qui concerne à moi, m'y veut pas jouer le mauvais rôle. Bonne frère, bonne sœur, la couleur mon pot l'a assez souffert à cause de la différence qui dure depuis l'enfance. Nous les rappelis, nous les pas moins. Néanmoins respecte à nous, t'aide pas nous couler la boue. On aurait pu vivre man depuis longtemps. C'est pas en nous pas con qu'on fera de nous des grands. Oui, oui. Qu'on fera de nous des grands. Qu'on fera de nous des grands. Oui, oui, oui. Qu'on fera de nous des grands. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow, oui. Regard amer envers mes frères et mes sœurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même couleur. Chacun n'a qu'un cœur et ça tu le verras bien quand un jour sonnera ton heure. Wow, wow, wow. Shinzo du calibre 2-0, reprend le micro, est-ce que vous êtes chaud, ouais. Cette épidémie qui a décimé tant de vies, qui n'a pas de pitié depuis des décennies. La cause étant de même pour anomie, pas pourquoi je ne comprends pas réagir comme cela, ouais. Différents de couleurs, cela ne s'explique pas, car tout le monde a le même sang, mais ça t'y connais déjà, oui. Je vois les pensées conséquentes de cette inconscience, et ceux qui ont duré pour profiter de leur dépendance, man. Profiter de leur dépendance, oh. Tout ça pour... Ouais.